Chapitre 3 La diversion céleste, Jeanne d'Arc, le sacre de Charles VII, le grand assaut du Mont, les Anglais chassés, les Bretons, François et Gilles de Bretagne, l'ordre de Saint-Michel. 1. Après le résultat si malheureux du combat de la Guintre, un deuil plein d'abattement pesa sur le Mont. Il y avait eu sacrilège dans cette maison qui vivait de miracles, et une punition exemplaire tombait d'en haut, dont personne ne pouvait contester la justice. Les saints se retiraient. Cela fut dit quand on vit les autres chapitres normands, notamment celui de Coutances, réclamer comme les chanoines de Bayeux leurs reliques confiées. Les moines qui n'avaient point péché prièrent et placèrent sur l'autel deux reliquaires en forme d'ange, dont l'un contenait deux espines que notre maître Jésus-Christ porta sur sa tête, et l'autre, un morceau de la vraie croix. Estouteville, au contraire, et ses chevaliers qui avaient péché, suspendirent très humblement leurs armes et leurs noms en cet ex-voto de pénitence qui devint titre de gloire, puis, comme toutes choses humaines, prétexte à vaniteuses revendications. Cependant, les Anglais, encouragés par leur victoire, redoublaient d'efforts. Le moment d'en finir avec cette longue résistance leur semblait venu. Ils mirent les garnisons augmentées de Genet et de Tomblaine sous le commandement de John Harpelet, chevalier, et de l'écuyer Thomas Borrow. Depuis Ardevon jusqu'au Quénon, ils élevèrent une suite non interrompue de bastilles, et Lord Skelt, en personne, se tint en réserve à Pontorson avec 80 hommes d'armes et 240 archers, tous à cheval. Robert Jolivet était à Rouen et n'y restait point oisif. L'année suivante, il se rendit à Mantes, auprès de Bedford, pour plaider la cause de sa haine, et aussitôt on voit partir pour l'Angleterre Gilles de Durmont, abbé de Fécamp, Raoul Bouteiller, Jean de Rimmel, pour occasion, dit notre manuscrit de la Bibliothèque nationale, cité tant de fois, du siège advisé, estremis par terre et par mer, devant la place du Mont-Saint-Michel. Ensuite de quoi, après une autre année, car rien ne se faisait vite alors, le gros rassemblement de soldats qui devait écraser définitivement le Mont s'opéra dans l'Avranchin, septembre 1429. Mais juste à ce moment, une diversion vraiment céleste eut lieu, qui est un des grands gestes de Dieu par les Francs, et la page la plus populaire de notre histoire fut écrite. La pénitence des champions du sanctuaire était accomplie, et plus tard il fut dit que si l'archange avait semblé un temps abandonner ses chevaliers, c'est qu'il était en voyage pour porter l'épée du miracle à Jeanne d'Arc, car la diversion puissante dont nous venons de parler, c'était Jeanne d'Arc. Le jour des rois de l'an 1412, dans un village assis aux confins de la Champagne et de la Lorraine, entre Neufchâteau et Vaucouleurs, appelé du bienheureux nom de l'évêque qui baptisa Clovis, Don Rémy, était né de gens ayant bonne vie, Jacques d'Arc et Isabelle Romée, une fille qui fut nommée Jeanne et qui était, en cette année 1429, âgée de 17 ans. Le petit lieu où venait au monde la Vierge portant en soi le dessein de Dieu était un coin non pollué. Bourguignons ni Anglais n'avaient pu s'y établir. Nous n'avons pas ici à lutter d'éloquence avec ceux qui ont écrit de grandes choses sur Jeanne d'Arc. Tous nos historiens l'ont acclamée. La lyre l'a chantée, le théâtre l'a presque déifiée. De nos jours, des plumes patriotiques et savantes, messieurs Guillemin, Vallon, Frédéric Godefroy, Marius Sépet et autres lui ont rendu justice glorieusement, et si une seule bouche depuis le temps s'est ouverte pour cracher par derrière l'obscénité et l'ironie à la grande martyre, c'est la paire de lèvres grimaçantes qui appartenait, selon Victor Hugo, à l'envoyé du diable, au singe de génie, à l'apostat effronté que la Prusse payait pour salir la France, à Voltaire, insulteur du peuple, mais domestique du roi. Entre toutes ces gloires, Jeanne d'Arc n'en a pas eu de plus éclatante que celle-là. Pareil outrage vaut statue d'or. C'était une pauvre chère enfant qui avait la piété innée, une foi ardente, un vif amour de Dieu, rien de plus. Une âme religieuse, à 14 ans, dans un corps robuste et sain. Un jour d'été, en 1424, sous le grand soleil comme Constantin vers midi, Jeanne ouït une voix du côté de l'église à laquelle touchait le courtil de son père. Le son de voix fut accompagné ou suivi d'une apparition. Dans un nimbe de clarté, elle vit Saint-Michel comme une figure d'homme très bon pourvu d'elle et environné d'anges. Elle eut peur et fit, à 7 siècles de distance, ce qu'avait fait Saint-Aubert dont elle ne connaissait pas l'histoire, elle douta. Puis, 3 fois aussi, comme à Saint-Aubert, l'apparition lui revint. La 3e fois, elle crut. Celui qu'elle voyait était l'ange gardien de la patrie, le même qui vint à Maccabée sur le chemin de Sion à l'agonie. À 7 heures, selon Michelet, le parti du roi était perdu, c'est-à-dire la France même. Mais le même historien signale aussi un mouvement mystérieux, précurseur de Jeanne d'Arc, et produit par le livre de l'Internelle Consolation qui parut alors. Page résignée, dit-il, divinement pieuse, empruntée à l'imitation et adaptée aux souffrances de l'époque. Il y avait là, c'est encore Michelet qui parle, un langage de mélancolie sublime et de profonde solitude. Dieu y semblait parler à la France et lui dire, comme il dit aux morts, « Dès l'éternité, je t'ai connu par ton nom. Tu as trouvé grâce, je te donnerai le repos. » L'imitation de Jésus-Christ, sa passion reproduite dans la Pucelle, telle fut la rédemption de la France. Il faut répéter encore une fois que Michelet, noble esprit égaré, avait le sens des choses de Dieu comme un tourment au-dedans de lui-même. Son nom renferme le « quis ut Deus ». Rien n'est grand comme l'éducation de l'enfant chrétien. Le radieux archange, dont le cri avait empli l'immensité du ciel, fit sa voix simple et douce pour parler à Jeanne, enfant, le langage qui convient aux petits. Il lui dit de garder sa pureté, qui attirait le regard divin, d'être sage et d'être bonne. Il lui montra du doigt la France, où elle serait peut-être appelée, car il y avait là grande pitié. Jeanne écoutait et songeait. Elle priait. Quand la vision la quittait, elle essayait de la retenir ou de s'envoler avec elle. Plus tard, elle disait aux juges iniques qui l'assassinèrent, parlant de Saint-Michel et de ses anges, « Des yeux de mon corps, je les vis comme je vous vois. Je pleuroie dès qu'il s'en alloie de moi, et je les prioie qu'avec eux ils me princent. » Un jour, l'archange lui dit qu'elle ne le verrait plus, mais que d'autres viendraient en sa place, pour la mener et pour l'armer. Ce fut alors que s'élevèrent les voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, les 2 patronnes des soldats, que Jeanne écouta selon l'ordre de Dieu par Saint Michel. Il y a une concordance entre les phases de la vie de Jeanne et les événements de guerre qui se passent au Mont Saint-Michel. En 1424, date des premières apparitions, l'archange semble quitter à Don Rémy sa tâche inachevée pour voler vers sa montagne où il apportait victoire sur victoire. En 1429, « Est-ce toute ville a péché ? Il a été puni, mais l'ex-voto de pénitence est appendu au mur du sanctuaire. Et au moment même où une armée entière marche sur le mont, Jeanne, renversant enfin les barrières que l'ineptie des serviteurs du roi prodigue sur sa route, entre en scène et sauve le sanctuaire en produisant l'étonnante diversion qui a émerveillé l'histoire. En effet, le 10 mars 1429, la voilà à Chinon, où est le roi. C'est le soir, on l'introduit dans la grande salle du château, pleine des courtisans de cette cour où l'agonie de la monarchie française intrigue au lieu de combattre. Charles VII, simplement vêtu au milieu de ses brillants chevaliers, est perdu dans la foule. Jeanne entre. Elle ne connaît pas le roi, mais ses voix le lui désignent. Elle va droit à lui, fait la révérence et lui dit « Dieu vous doit bonne vie, gentil prince ». Heureuse la France, si ce vœu eût été exaucé, car la vie du gentil prince laissait vraiment à désirer. Il répond en se jouant « Ce n'est pas moi qui suis le roi ». Mais Jeanne, sans se troubler, réplique « En nom Dieu, vous l'êtes et non autre ». Puis elle ajoute « Et vous mande le roi des cieux par moi, que serait sacré à Reims et couronné son lieutenant S. France. » Charles VII n'avait plus qu'Orléans, qui était sur le point de tomber au pouvoir de l'ennemi. Entre lui et Reims se creusait assurément un abîme. Néanmoins, il fut frappé, puisqu'il fit interroger Jeanne par une commission ecclésiastique, laquelle objecta que si Dieu voulait délivrer la France, pas n'était besoin de gendarmes. C'était à la fois vrai et peu conforme à la parole évangélique qui ordonne de joindre l'action à la prière. Jeanne répondit, ou ses voix pour elle, cette simple parole, « Les gendarmes batailleront, et Dieu donnera la victoire. » C'était candide et robuste, comme Jeanne. Enfin, elle obtint des soldats et partit pour le siège, munie de l'épée à cinq croix. On sait que ce glaive avait été trouvé en terre, sur l'indication des voies, par saint Michel, dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois. M. Vallon dit qu'à ce moment, dans le trésor du roi, il ne restait pas 4 écus. L'armée était dans le même état que la finance, et la peste de l'intrigue désolait cette cour moribonde avec une violence qui eût été capable de tuer un grand état en pleine santé. Au milieu de ces ténèbres, où s'entendait déjà le dernier râle de notre nationalité, un grand éclat se fit. C'était Jeanne et son épée. En quelques jours, les coups frappés par cette main d'enfant furent si puissants, et la terreur des Anglais devint si grande, qu'ils appelèrent toutes leurs forces autour d'Orléans, et entre autres l'armée de Lord Sckells destinée à réduire le Mont-Saint-Michel. 2. Sckells quitta l'Avranchin pour accourir à grande journée, William de la Pole, comte de Suffolk aussi, et aussi Lord John Talbot. Ils amenaient 11 000 hommes d'armes et archers avec eux, mais rien n'y fit. À la voix de Jeanne, les soldats semblaient issir de terre françoise, et Charles VII, ou plutôt la reine de Sicile, qui était l'âme du parti national, trouva jusqu'à de l'argent. Jeanne savait écrire, si l'on en croit la lettre à elle attribuée et ainsi conçue, qu'elle adressait aux Anglais. Jesus Maria, roi d'Angleterre, duc de Bedford, Guillaume de la Poule, comte de Suffolk, Jehan de Talbot et Thomas d'Escale, je vous dis que vous fassiez raison au roi du ciel, et rendiez à moi, si envoyé de par Dieu, les clés de toute bonne ville qu'avaient princes et violées en France. Archers, compagnons de guerre, gentils, qui est devant la bonne ville d'Orléans, allez-vous-en de par Dieu, en vos pays, et si ainsi ne le faites, attendez nouvelles de moi. Les Anglais, malgré leur frayeur, ne tinrent compte de cette sommation. Ils eurent des nouvelles de Jeanne. Les immenses travaux de siège qu'ils avaient accomplis autour d'Orléans, et qui, d'après les comptes de Pierre Suireau, leur avaient coûté 133 763 livres d'argent payés, en dehors des exactions locales et des réquisitions ou corvées, furent démantibulés en quelques jours. Le siège levé précipitamment, la cour prit le chemin de Reims, car elle n'en voulut point desmordre, et en route, le samedi, jour de la feste de Saint-Aubert, dit notre manuscrit de la Bibliothèque nationale, Jeanne livra le combat de Patay, où bien 3 000 furent desconfits des gens de Talbot, Escale et autres, et le dissieur de Talbot, prince. Patay a vu de nos jours une autre bataille où le dernier chevalier français fit miracle à la tête des derniers croisés portant le Sacré-Cœur de Jésus sur leurs héroïques poitrines. Je n'ai pas à raconter que Jeanne rendit à Charles une bonne partie de son royaume et le fit selon sa promesse sacrée à Reims où elle tenait l'étendard, auquel estoit en peinturé Dieu en sa majesté et de l'ostre costé Notre-Dame et 5 escus de France tenus par ange. Sentant alors sa mission finie, car les voix ne lui disoient plus, elle voulut se retirer, mais Charles la retint par prière. Beaucoup jalousaient sa faveur, au siège de Compiègne elle fut trahie et livrée par les Bourguignons. L'infâme procès de Rouen qui s'ensuivit couvrit de honte les Anglais et bien d'autres encore, ce règne a des dessous sinistres. Jeanne était restée enfant dans sa gloire, elle resta enfant dans son martyre et eut son heure de faiblesse à l'exemple du modèle divin, comme pour montrer par cette défaillance la grandeur du dessein qui lui avait donné à elle, pauvre fille, une France à sauver. Sa mort semble apporter aux Anglais, ses bourreaux, plus de préjudice que sa vie même. Des dissensions éclatèrent entre eux et leurs alliés, qui auraient rendu facile l'expulsion complète de l'ennemi, si Charles eût seulement bougé. Mais il ne bougea pas. Et 3 ans après le passage victorieux de Jeanne d'Arc, quand déjà le connétable de Richemont avait ramené à nous le duc de Bourgogne, les Anglais restaient encore assez puissants en Basse-Normandie pour reprendre, avec une furie plus grande que jamais, le siège du Mont-Saint-Michel. On eût dit qu'ils voulaient venger sur l'archange lui-même le coup à eux asséné par la Vierge de Don Rémy. C'était une des superstitions de l'époque de croire qu'on pouvait forcer les saints, comme Ajax s'en prenait aux dieux. Les fanatiques scélérats qui venaient d'allumer le bûcher de l'enfant-héroïne à Rouen espéraient que s'ils pouvaient prendre le Mont-Saint-Michel, l'archange captif combattrait pour eux. Aussi faut-il leur rendre cette justice qu'ils s'y prirent avec une très vive ardeur. Cette année, d'autres disent l'année précédente, eut lieu le 9e grand incendie de l'abbaye, et tout y était en reconstruction. Lord Skelles, qui tenait garnison à Pont-Orson, résolut d'opérer une suprême tentative et réunit une armée que Don Juan évalue à 20 000 hommes. En même temps, il établit des travaux d'investissement si considérables qu'on les a comparés à ceux du siège d'Orléans. Ils consistaient en une série de forts, isolés les uns des autres, dont les feux se croisaient tout en menaçant le mont. Ces forts furent armés de bombardes énormes, lançant des boulets de pierre de 120 et même de 160 livres. On établit une pareille batterie sur les assises de l'ancienne Croix des Grèves, qui émergeait encore un peu au-dessus du niveau des tangues, ou sable mélangé de marne. Lord Skelles choisit un quartier de Mortehaut, où il n'avait pas à craindre les marées, pour battre la muraille en brèche, en plein milieu de la grève, au lieu où est maintenant la route de Moidray. Et ses couleuvrines tirèrent sans relâche contre le rempart dont une portion s'écroula non loin des fenils. Les Anglais poussèrent de grands cris, croyant avoir ville gagnée. Rien ne leur répondit du dedans, est-ce toute ville et ses gendarmes attendaient derrière les murailles, et les religieux étaient à leur stalle, parce que c'était un 17 juin et qu'ils chantaient les premières vêpres de la fête de Saint-Aubert, dont le jour anniversaire avait été déjà si souvent fatal à leurs ennemis. Ceux-ci vinrent à l'assaut bravement et franchirent la brèche pour leur malheur. Ils étaient 10 contre 1, peut-être 20, mais l'espace manquait pour développer leur grand nombre. Estouteville et ses chevaliers leur opposèrent une seconde muraille, vivante et tout en fer. En un instant, les assaillants furent rejetés hors de la brèche et précipités des murailles contre lesquelles ils avaient dressé leurs échelles. Par la même brèche, alors, par le pont-levis soudainement baissé et par les deux poternes de l'est, les gendarmes de Saint-Michel firent une sortie menée par Louis d'Estouteville en personne et poussèrent à travers les grèves la déroute des assaillants, la lance dans le dos. Ce fut une épouvantable tuerie, et resté si légendaire que des écrivains ont évalué le nombre des Anglais morts à 20 000, en s'excusant de ne pas adopter le chiffre de la tradition plus élevé encore. Notre manuscrit de la bibliothèque, dont l'exactitude est minutieuse, fait monter le nombre total des combattants anglais à 8 000 et laisse en blanc le compte des morts. Mais il affirme qu'il n'y eut pas un seul homme de tué parmi les gens d'Estouteville avec qui était le cavalier vêtu de blanc de l'écriture. Lord Skelles ne s'arrêta de fuir que derrière les murailles de Pont-Orson, et il y eut des Anglais qui coururent en débandade jusqu'à Fougères. La panique se répandit dans toute la Normandie, on criait au miracle, on disait que c'était le paiement du bûcher de Rouen, et que Jeanne d'Arc avec l'archange, invisibles tous deux, avaient combattu pour la France, à la cour même d'Henri VI, on fut épouvanté. Comme trophée de sa victoire, Louis d'Estouteville rapporta au mont les bombardes qui avaient fouillé la brèche et mis fin au siège par cette bienheureuse blessure faite aux murailles, car le siège était bien fini. On n'eût pas trouvé une autre armée anglaise pour donner l'assaut à cette forteresse enchantée. 2 de ces très curieuses bombardes se voient encore aujourd'hui couchées sur leurs affûts de granit à l'entrée de la petite ville montoise. Elles sont très longues, renflés en avant de la chambre à poudre et pourvus de culasses très résistantes qui en allongent encore la forme. La ressemblance qu'elles offrent avec certains modèles nouvellement inventés pour la marine est assez remarquable. Beaucoup d'inventions nouvelles pourraient ainsi s'enorgueillir de leur vénérable antiquité. Les bombardes du Mont-Saint-Michel furent réclamées sous le règne de Louis-Philippe en 1839 par un ministre de la guerre pour le musée d'artillerie de Paris. Ce n'est pas Paris qui avait défendu le Mont, c'était le Mont qui avait commencé la série des victoires à la suite desquelles Paris put se déshabituer d'être anglais. Le Mont avait droit à ses reliques glorieuses, il les garda. Jean Gonod, cependant, et ses moines, au milieu du calme presque complet qui suivit la déroute de Lord Scales, pensèrent qu'il était l'heure d'appeler l'attention de l'autorité ecclésiastique sur la conduite de leur abbé qui ne faisait plus parler de lui depuis assez longtemps. Plainte fut portée au concile de Bâle contre Robert Jolivet qui se vit condamné à pourvoir ses moines des choses nécessaires à la vie et à faire restaurer les édifices qui avaient souffert soit du feu, soit de la guerre. Mais il restait encore assez d'anglais pour que le traître puisse rire de cette juste sentence. Le pape Eugène IV fut obligé de venir au secours du monastère et aussi Charles VII qui prit l'abbaye sous sa protection spéciale, l'unit à la couronne et domaine de France, de sorte qu'à l'advenir, ce lieu et dépendance soient bien de roi. En 1438, les Anglais reculaient pied à pied devant le connétable de Richemont qui réalisait l'ancien plan de Jean VIII d'Harcourt, comte d'Aumale. Cela ramena la guerre autour du Mont et, viron 100 des gens de pied de cette place furent surpris à Ardevon. Notre manuscrit ajoute « Viron la grande Saint-Michel, 29 septembre 1439 ». Pontorson et Saint-James-de-Beuvron retombaient au pouvoir de la France et Avranches était assiégé par le connétable de Richemont. Pendant cela, Lord Scales, reculant toujours, se hâtait de fortifier Granville, qui ne resta pas longtemps en son pouvoir, car Louis d'Estouteville, incapable de se tenir en repos si près de l'ennemi, sortit du Mont le 8 novembre 1441 et donna l'assaut d'Eschel à la cité anglaise nouvellement fortifiée. Ce fut un siège impromptu. Après une lutte aussi courte que brillante, Granville devint française. Le 17 juillet 1444, les moines eurent la charité de prier pour l'âme de leur abbé indigne et plus que par jure, décédé à Rouen où les Anglais étaient encore. Le convent se réunit aussitôt et d'un accord unanime donna la crosse à Jean Gonod qui l'avait si bien mérité. Estouteville était un vaillant capitaine, mais il avait prouvé autrefois, en mettant les reliques en gage, que les choses de la religion n'étaient point son principal souci. Il écrivit en toute hâte à son frère Guillaume, qui ne dédaignait non plus ni les honneurs ni les biens de la terre. Guillaume, très grand seigneur, quoique moine de Cluny, et déjà évêque nommé d'Angers, prit les devants auprès du roi, lequel demanda pour lui au pape l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Dans l'ignorance où il était de l'élection accomplie, Eugène IV dit oui, mais Guillaume d'Estouteville envoya sans même attendre, affirme-t-on, la réponse de Rome, de charger de pouvoir prendre possession de l'abbaye en son nom. À ce premier moment, les moines étaient forts de leurs droits, ils résistèrent, et de son côté Jean Gonod en appela à l'autorité ecclésiastique qui, la décision d'Eugène IV étant connue, ne put que la maintenir et donner tort aux adversaires d'Estouteville. C'était une maison puissante et Louis d'Estouteville venait de sauvegarder glorieusement le Mont-Saint-Michel. Il ne nous appartient pas de juger le conflit qui s'éleva. Les vicaires de Jésus-Christ voient de haut et très loin pour conduire la barque de pierre à travers la tempête des intérêts humains, et ils ont d'autres conseils que les hommes. Selon l'apparence humaine qui souvent est trompeuse, les moines et leur élu, Jean Gonod, étaient dans le vrai, et ce dernier avait derrière lui toute une belle vie. Sur son appel, le pape décida souverainement en faveur de Guillaume d'Estouteville. Tout était dit. Il est très triste de voir une bonne âme chanceler, d'autant que le premier pas hors de la voie d'obéissance mène toujours à une chute profonde. Jean Gonod, mentant à sa longue carrière, n'accepta point la sentence suprême de Gênes IV et porta ses prétentions devant le Parlement. Dès lors animé d'un étroit esprit de jalousie contre le clergé et toujours ardent à s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques. Vous allez voir si nous avions raison de parler de chute. Au cours du procès, Jean Gonod, découvrant tout à coup la petitesse de son mobile, marchanda du droit qu'il n'avait plus et le vendit à son puissant compétiteur, selon l'expression de Don de Camp, pour une écuellée de lentilles, c'est-à-dire pour une pension et divers bénéfices. Il disparut après cela au fond d'une obscurité méritée. 3. Guillaume, cardinal des Stouteville, au titre des saints Sylvestre et Martin sur les monts, fut le plus magnifique des abbés de Saint-Michel. Appartenant au sang royal par sa mère, Marguerite d'Harcourt, fille de Catherine de Bourbon, il eut tous les titres qu'on peut avoir et les plus illustres, entre autres ceux d'archevêque primat de Rouen et de doyen du Sacré Collège. Il était beau grandement, savant d'une façon admirable, éloquent, riche comme plusieurs princes, entouré, comblé plutôt de la faveur des peuples et des rois. Mais il fut au mont le premier de ces abbés commendataires, étrangers à la vie monastique, qui sapèrent par le pied les colonnes du cloître. Son œuvre d'abbé constructeur fut noble, brillante et grande comme lui-même. On lui doit, ou du moins à ses architectes, le cœur splendide de la basilique, tel que nous l'admirons aujourd'hui. Il est admis que son intention était de reconstruire l'église entière sur un plan analogue, ce qui eût produit le plus merveilleux temple de l'univers. La collection de M. V. Jacques possède plusieurs sceaux du XVe siècle représentant la basilique en style gothique, achevée selon ce projet, dont le cœur seul peut donner maintenant une idée. Sous sa prélature, la reine Marie, femme de Charles VII, vint en pèlerinage au mont et promit de la part du roi, en souvenir de Jeanne d'Arc que l'archange avait suscité et armé, la fondation d'un ordre de chevalerie sous l'invocation de Saint-Michel. Cette promesse devait être tenue par Louis XI. Ce fut aussi pendant que Guillaume d'Estouteville tenait la crosse, bien loin de sa stalle, toujours vide, il est vrai, que les Anglais furent définitivement chassés de l'Avranchin et du Cotentin. Il y avait déjà 4 ans que le connétable de Richemont avait rendu la capitale au roi dans des circonstances qui se sont reproduites lors du dernier siège de Paris, sous la Commune de 1871. En effet, ce fut un homme isolé qui, agitant les mains sur le rempart à la porte Saint-Michel, donna aux gens du connétable les indications pour arriver jusqu'au hall où, dit-il, on travaillait pour eux. Le samedi 6 septembre 1449, François, duc de Bretagne, ses Bretons étaient alors partout, vint au mont à l'heure des vêpres. Le connétable de Richemont et ses fidèles, le maréchal de Lohéac, Laval Blossac, les deux Malétroits et autres chevaliers qui devaient vaincre bientôt avec lui à la décisive bataille de Formigny arrivèrent le même jour. Louis d'Estouteville était là pour recevoir ses grands personnages et les logea à l'abbaye. Les troupes du connétable campèrent sur la grève, entre les rivières, dit notre manuscrit de la bibliothèque que nous suivons toujours. Le lundi, tout le monde partit pour aller mettre le siège devant Coutances, et sous le mont, on embarqua de l'artillerie qui fut portée à Granville. En quelques jours, toutes les places du Cotentin se rendirent. Le connétable continua sa route, François revint sur Avranches, qui seul tenait encore, et l'assiégea avec Estouteville. La résistance d'Avranches tomba au bruit de la victoire de Formigny. Les Anglois s'en allèrent, chacun son baston à la main. Notre moine Montois, auteur du manuscrit, s'écrit en latin « Saint-Michel, ta force a bâti les léopards ». Et il termine sa tâche par ses joyeuses réflexions. Ainsi fut le pays délivré des Anglois, Dieu leur donne courage de jamais n'y revenir. Pendant le siège d'Avranches, Gilles de Bretagne, frère du duc François, prisonnier au château de la Hardouinet, sous accusation d'intelligences entretenues avec l'Angleterre, était mort dans son cachot. On disait que c'était par le poison, et la voix publique imputait le crime de Caïn à François. Le siège fini, François, avant de rentrer à Nantes, voulut qu'un service fût célébré pour l'âme de son frère en la basilique du Mont-Saint-Michel, et beaucoup de gens pensèrent que c'était là tenté l'archange qui porte en sa main la balance de la justice de Dieu. Alain Bouchard, Lebeau, D'Argentré, Lobineau, tous les historiens racontent avec détail un fait extraordinaire qui se produisit au moment où le duc fratricide sortait du service funèbre. Et il m'est arrivé, il y a longtemps, de puiser dans leur chronique le sujet d'un livre d'imagination, La Fée des Grèves. Ce fait, qui a une grande solennité et un surnaturel caractère, ne sera point déplacé dans les merveilles du Mont-Saint-Michel. Je choisis pour le mettre sous les yeux du lecteur le texte de Don le Roi, qui a le mérite d'être précis et court. Voici ce qu'il dit. À la sortie de la porte de cette ville, il, le duc François, rencontra un homme vestu en cordelier qui lui donna assignation de comparoir devant le trône de Dieu dans 40 jours pour rendre raison du tort qu'il avoit fait à son défunt frère Gilles. Ce qui arriva ainsi, s'estant retiré en une maison de plaisance près Guingamp, François y fit pénitence et donna espérance de son salut à l'heure de sa mort qui arriva juste au bout de la dicte assignée quarantaine. 4. Avant de terminer cette première partie du livre Les Sièges, je dois dire un mot du principal témoignage de gratitude rendu par la France au maître céleste de ce mont, qui avait été la forteresse gardienne non seulement de sa vie, mais aussi de son honneur. Ce fut encore d'ailleurs sous la prélature du cardinal d'Estouteville que la fondation de l'ordre de Saint-Michel, promis par Charles VII, fut accompli par son fils Louis XI. Louis XI avait déjà fait frapper monnaies et médailles en signe d'action de grâce, et la statuette d'or de Saint-Michel qu'il portait pendue à son cou est restée légendaire. Certaines histoires et beaucoup de romans ont rendu à cette dévotion l'hommage de leur moquerie. Louis XI n'était certes pas un saint. Son laborieux passage dans la vie écrasa du pied bien des sentiments respectés, et la Révolution peut le compter au nombre de ses précurseurs, mais la Révolution elle-même entre sans doute comme alliage ou comme élément dans le total inconnu de ce grand mystère qui est le dessein de Dieu. Énigme des énigmes dont le Sacré-Cœur de Jésus, par sa plaie ouverte, laissera jaillir le mot miséricordieux et terrible à l'heure marquée de toute éternité, dans les temps. À tout le moins doit-on dire que Louis XI, aïeul politique du cardinal de Richelieu, fut un ouvrier puissant de l'unification française. La fondation de l'ordre de Saint-Michel tendait à ce but, et les grands vassaux le sentirent, puisque ceux d'entre eux qui régnaient sous le contrôle très illusoire de la suzeraineté royale refusèrent d'y être affiliés. Mais il ne faudrait point exagérer l'importance de cette arrière-pensée politique. Le mobile principal de Louis XI, prince éclairé et très pieux, au milieu même des actes reprochables que lui arrachait la nécessité de gouverner, fut le besoin de publier hautement, et j'ajouterai habilement, la protection de l'archange au moment où toute l'Europe se précipitait aux pieds de Saint-Michel. À ce sentiment se mêlait-il de la reconnaissance ? Le contraire ne se pourrait concevoir. Souvenons-nous que le vol de l'archange n'avait pas seulement porté une épée à Jeanne d'Arc, mais que du haut de ces créneaux qui regardent la terre de Bretagne, Saint-Michel avait appelé du battement de ses ailes à notre secours tout un peuple héroïque, naguère ennemi, et que ce premier pas vers la France une fois fait, les Bretons, avant la fin de ce siècle, allaient devenir français, ajoutant ainsi à notre couronne de province un de ses plus glorieux fleurons. Les premiers chevaliers de Saint-Michel furent les ducs de Guyenne et de Bourbon, le connétable de Saint-Paul, les maréchaux de Laval et de Comminges, Jean d'Estouteville, frère et successeur de Louis dans la capitainerie du Mont, l'amiral Louis de Bourbon, Tanguy du Chastel, la Trémoille, Sancerre, etc. On voit que les ducs régnants de Bretagne et de Bourgogne s'étaient tenus à l'écart. Louis XI vint 3 fois au Mont-Saint-Michel. À sa dernière visite, qui eut lieu en 1472, 7 ans avant sa mort, il commanda une chasse magnifique pour renfermer le corps de saint Aubert, dont la fête anniversaire avait donné le signal de tant de victoires pendant la guerre de 100 ans. L'abbé archevêque cardinal Guillaume d'Estouteville vécut jusqu'en 1482. Il n'avait fait depuis 37 ans qu'il était censé porter la crosse qu'une seule apparition à son abbaye dans la 6e année de sa prélature, et ce fut pour arrêter les travaux de son grandiose projet de reconstruction qui, selon Don Huyn, lui sembla coûter trop cher. Il ne donna point tort à la prophétie du Livre des Miracles qui n'accorde sépulture en la terre de Saint-Michel qu'aux abbés légitimement élus. Sa tombe somptueuse est à Rome, dans l'église de Saint-Augustin, et il n'est point dit si ses religieux qui ne le connaissaient pas le regrettèrent. Pour la France, à peine guérie des maux de l'invasion étrangère, d'autres dangers allaient naître, d'espèces encore plus cruelles, et l'archange, encore au milieu des convulsions de la guerre intestine, allait lui susciter d'autres sauveurs.